nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Tunasalimia kila mmoja wenu kwa jina la Yesu Kristo. Nous saluons les frères et les sœurs qui sont connectés. Tunasalimia wanduku na wadada wa kumtandao. Nous demandons aux techniciens, en particulier ces frères Ndala. Tunaomba kwa fundi kwa pekee nduku Ndala. Faites un effort qu'il n'y ait pas d'interférence entre la radio et les liens de YouTube. Mushiku ya interférence katikati ya YouTube na radio. Levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Tutasimama njo somaneno la Mungu. Prenons Apocalypse chapitre 1. Tuchukue kitabu Ufunuo sura ya kwanza. Apocalypse chapitre 1. Ufunuo sura ya kwanza. Nous prenons le verset 18. Tunaomba mstari ya 18. Jusqu'au verset 20. Kufika pana mustari yake ya makumi mbili. Merci, Père Céleste. Aksante, Baba Lijo Minguni. Nous nous sommes séparés depuis dimanche. Tangia shiko ayenga tuliachana. Chacun de nous a bénéficié de ta protection. Kila mmoja wetu alifaidia na ukingo wako. Même si nous avons eu quelques difficultés comme des humains, Atakama tulipata magumu kidogo kidogo sawa watu. Mais nous avons reçu une bonne consolation de ta part comme un père. Lakini tulipokea faraja kweli kutoka upande wako sawa baba yetu. Nous sommes ici pour nous occuper des préoccupations de tes enfants. Tuko hapa njoo kuhangaikia mahangaiko ya watoto yako. Mais le véritable enseignant, c'est toi, le Seigneur Jésus-Christ. Lakini tunajua kwa mwalimu wa kweli ni wewe Yesu Kristo. Toi qui as une réponse à toutes choses. Wewe mwenye kuwa na jibu kwa mahitaji yetu yote. Et une réponse satisfaisante. Na jibu ya kututosheka. Réponds à chacun de nous. Ujibu kila mmoja wetu. Dans ta miséricorde. Katika rehema yako. Pour que l'Église avance dans la paix. Kusudi kanisa ipate kuendelea msalama. Répondez même au-delà de nos préoccupations. Ujibu ata kushindia maulizo yetu na mangaiko yetu. Pour le salut de nos âmes. Jua okovu ya manafsi yetu. Bénis les frères, bénis les sœurs. Bariki wanduku, bariki wadada. Mets sous ma langue quelques paroles de grâce. Weka kupalurimi yangu misemo kidogo ya neema. Pour l'édification de ton église. Jua majengo ya kanisa yako. Du début à la fin de ce culte. Mwanzo ata mwisho wa ibada. Sois honoré. Upate kuheshimishwa. Au nom de Jésus-Christ. Au jina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Je sais si je peux avoir un peu d'eau. Vous allez m'excuser. Tenirai mokido. C'est juste avant que je vienne ici, j'ai senti qu'il y a une petite toux qui me dérange. Bele akupanda kubimbana shikasa kikozi kidoko kilanza ni huyu. Apocalypse chapitre 1 verset 18 à jusqu'à 20. Funosua kia kwanza musaki kia 18 kufika pana 12. Je suis le premier et le dernier. Ninjo wa kwanza na wa mwisho. Et le vivant. Na mwenye kuwa hai. J'étais mort. Nilikufaka. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Natazama niko mzima miaka milele na milele. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Niko nashika mfungulo wa pale ya bafu na fasi ya bafu. Écris donc ce que tu as vu. Andika basi iliyoona. Ce qui est. Kinye kuwako. Et ce qui doit arriver ensuite. Na kile kitafika kisha. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite. Siri ya manyota saba yuriona mukono ya hume. Et de ces chandeliers d'or. Na ile binara saba ya zabu. Les 16 étoiles sont les anges de cette église. Ile manyota saba ni ba malaika ba bizazi saba. Et les 7 chandeliers saba sont les 7 églises. Na ile binara saba njo makanisa saba. Vous pouvez vous asseoir. Je suis le premier et le dernier. Niko wa kwanza na wa mwisho. Et le vivant. Na mwenye kwa mzima. Celui qui vit éternellement. Mwenye kunaishi milele. Je suis le seul vivant. Niko peke mwenye kuwa hai. Je suis le seul éternel. Niko peke wa milele. Mais j'ai été mort. Lakini nilikufa. Et voici, je vis éternellement. Natazama sasa niko naishi milele. Et après ma résurrection, na kisha kufuka kwangu, je suis le seul qui tient les clés de la mort. Niko tu muntu pekee ule anesha kushika fungulo ya lufu. Et du séjour de mort. Na ata ya pahali ya bafu. Celui qui se présente ainsi à l'église épouse. Ule eko lejitambulisha wala kujijulisa mbele ya kanisa bibi harusi. Et à l'église des nations. Na kukanisa ya mataifa. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Haina mtu mwingine. C'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Ni Jéhovah wa agano za kale. Le Dieu tout-puissant. Mungu wa wezo yote. Le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. C'est lui le premier, c'est lui le dernier. Wa kwanza na ni yeye wa mwisho. Il est l'unique Dieu véritable et l'unique Dieu vivant. Ni yeye Mungu wa kweli na yeye Mungu mwenye kuwa hai. Mais à cause de tes péchés et de mes péchés, lakini kwa ajili ya zambi yako na zambi zangu, il a accepté de revêtir un corps humain. Alichika kuvala mwili ya bumutu. Et quand il était sur la terre, il disait, non, wakati alikuwa pa dunia anasema, j'ai le pouvoir, niko na uwezo, de donner ma vie, ya kutoa bujima bwangu, et de la reprendre. Na kubeba tena. Dans toute la Bible, il n'y a jamais eu un seul prophète qui a parlé de cette manière. Mu Biblia mujima amyakoka nabii ata moya urasemaka muinamna. J'ai le pouvoir de donner ma vie. Niko na uwezo ya kutoa bujima yangu. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Na niko na uwezo ya kububeba tena, kubunyanganya tena. Et c'est pourquoi il dit ici. Njoko maana anasema hapa. Je suis vivant. Niko mzima. Au siècle des siècles. Milele na milele. Et c'est moi qui a la décision. La clé c'est une décision, c'est le pouvoir. Na ni mie njo na mupango, sababu fungulo njo mupango ni uwezo. J'ai le pouvoir. Niko na uwezo. Sur la mort. Yuyalufu. Comme sur le séjour de mort. Na ata pahali yenye abafu. Après ma résurrection. Kisha kufufuka kwangu. C'est pourquoi nous avons toujours conseillé et enseigné. Joko mana tunamishauriaka na mufundisha hivi. Que vous n'avez rien à craindre comme un chrétien. Saba Kristu atuna na kya kuongopa. Que la mort ne vous fasse pas peur. Lufu lushi miongopeshe. Que la maladie ne vous fasse pas trembler. Magonjwa ishikutetemeshe. Tu ne peux pas aller avant le temps que Dieu a fixé pour toi, hawezi kutoka pa dunia mbele ya wakati ya mipango ile Mungu aliyekaka. Tu ne seras ni avant ni en retard. Hautendaka mbele ya wakati wala saa kupita. Tu iras au moment où Dieu décidera de quitter cette terre. Utaenda mwakati ile Mungu mnyatachukua mipango ya kutoka pa hii dunia. Parce que pour que tu ailles, juu ya wokwenda, il faut que lui ouvre. Il faut que lui en décide comme ça. Il et celui qui va t'amener dans le séjour de mort. Mais si lui n'a pas encore décidé. Il n'y a aucun sorcier. Hakuna mulozi hata moya. Il n'y a aucun homme. Hakuna mtu hata moya. Il n'y a aucune puissance. Hakuna uwezo hata moya. Il n'y a même pas d'accident. Hakuna hata musiba moya. Il n'y a même pas de poison. Hakuna hata sumu moya. Il n'y a aucune guerre. Hakuna vita hata moya. Qui peut ôter la vie. Ile itakutosha bujima. Avant la décision de Dieu. Mbele ya Mungu aseme utoke pa dunia. C'est ça. L'assurance. Jo akikisho. D'un véritable croyant. Yamu Christu wa kweli. Alors, n'ayez plus peur. Sa, mushiko tena na boka. Soyez rassurés. Mue na ile akikisho. Que tu es dans la main du Tout-Puissant. Ya kusema uko mumikono ya wawezo yote. Et rien ne peut arriver. Na akuna kitu ataki mwa kinawezo kufikia. Il se présente comme ça devant les saints, devant son église. Et il dit à Jean ce que toi tu as vu. Écris-le dans un livre. Et même le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main. Consigne ça dans le livre. Uyandike mukitabu. Et envoie cela na upate kuituma au cette église ku ile makanisa saba. C'est vrai, ni kweli. C'est pourquoi Dieu s'est arrangé jo bwana kwa maana Mungu alitengeneza pour que dans chaque âge kusudi mukila kizazi qui est une étoile qui brille mupate kwa nyota mwa ile itangala un messager kwe mujumbe qui parle de la part du Seigneur ule atasema kwa pande ya Bwana pour amener les élus au salut Dieu a kupeleka bateule ku okovu. C'est vrai, ni kweli. Si nous croyons kama tunaamini que nous sommes la manifestation de l'appel de Dieu dans cet âge ici. Ya kusema chenjo kionesho kya mwito ya Mungu mwikizazi. À travers le message du temps de la fin. Kupitia ujumbe wakati ya mwisho. Alors croyons que Dieu. Tuamini tena kusema Mungu a un bon projet avec nous. Eko na mapu ya mzuri na shie. Un projet de bonheur. Mapu ya ra. Pas un projet de malheur. Aina mapu ya ole. Alors soyez rassurés que celui qui t'a appelé t'amènera à la perfection. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons nos questions-réponses. J'aimerais dire à l'Église ici le temps de dépôt de questions-réponses est déjà terminé. Wakati ya kuleta maulizo yenu inesha maliza malizika. J'espère que tout a été déjà donné. Nazania sema maulizo yote inesha uletewa. Ne répétez pas les mêmes questions. Mushanze kurudiria amu maulizo lu muamua basha jibu. Si tu n'as pas eu de questions. Kama ukupate jibu. Il ne faut pas inventer de questions. Apana sasa kwanza kutunga maulizo ya kutunga apana. Nous prenons la question 30. Tunaiba ulizo ya makumi tatu. Bonjour mon berger. Amjambo mchungaji wangu. Je vous espère bien portant. Nazania kwamba muko mwafya njema, takia natakia afya njema. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Et qu'il vous garde. Na hamichunge. Voici mes préoccupations. Tazama mahangaiko yangu. Je suis dans une famille qui ne croit pas comme moi. Niko mujama ile abaamini samie. D'un coup, un membre de la famille ou le papa mère dans sa foi catholique. Kwa ghafla baba angu anakufa muimani yake katoliki. Alors on veut faire la messe. Sasa banataka kufanya ibada. Alors on veut faire la messe de leurs croyants dans leur église avant de l'enterrer. Banataka kumfanyia misa muaminifu wabo. Avant de l'enterrer. Bila kumzika. Est-ce que moi qui ne crois pas comme eux? Eti mie mishaamini sabo. Je vais entrer dans leur église pour participer à la célébration de la messe. Eti mitengia juu ya kuingia na mimi shangilie ile misa yabo. Je réponds à cette préoccupation du frère de la sœur. Mina jibu kuyangai kwa ndugu wala dada. Je vous dis clairement. Niwaambia wazi wazi. Qu'un véritable chrétien né de nouveau. Mukristo wa kweli mwenye uzaliwa na Roho. Mwenye ubatizwa na Roho Mtakatifu. Qui n'est pas dans la confusion. Ule ana mvuruko. Vit sa propre foi. Et unaishi imani yake. Et je vous demanderai de vivre ce que vous croyez. Na mite miomba mupate kuishi byenye munaamini. Nous ne croyons pas à la messe des morts. Si a twaamini yake kumisa ya bafu. Pour sortir les pécheurs de l'enfer vers le purgatoire. Kutosha watenda zambi kugeena kuwapeleka matoharani. Ce n'est pas notre foi. Ila ina muimani yetu. Et il n'y a aucune écriture. Na hakuna andiko hata moja. Qui nous enseigne cela. Ile tufundisha ile. Ce sont des mensonges de l'Église catholique. Ni bongo tu kanisa katoliki itunga. Qui n'ont aucun fondement biblique. Aina na misingi hata moja katika Biblia. Toi en tant que croyant. Wewe sa mwaminifu. Laissez-les honorer la foi de votre père. Ubache beshimishe imani ya baba yako. Mais restez loin de ces choses. Mais lakini bakia mbali na ile bitu. Parce que tu sais que ce n'est pas biblique. Sabu wona jok sema aina mambo ya Biblia. Ça va t'édifier en quoi? Bile biotu itafanya fa bitakujenga kunini? C'est en entrant dans la messe de votre parent. Wala ni kuingia muibada ya mzazi yako. Ou en participant à cette messe là. Wala mkushiriki kuile ibada. Que ta foi va justifier ton père ou ta mère ou ton frère. Jo imani yako itasabia ki baba yako, mama yako wala nduku yako. Vous savez les choses qui nous amènent de la confusion. Na yabitu bile metuleteaka mvuruko. C'est lorsque nous voulons beaucoup écouter les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ni wakati ile tu napenda kuteka lishikio zaidi kwa pagano bala moyo Mungu. Nous voulons être enseignés ou être instruits par les hommes qui ne connaissent pas les voies de Dieu. Tu napenda batufundishe ku bantu bale abayue manjia ya Mungu. Et qui interprètent mal les choses de Dieu. Na beko mkutafsiri mubaya bitu ya Mungu. Non, si toi tu n'entres pas, cela signifie que tu n'aimes pas ton papa. Kama wao ingie mwile misa, ni kusema aumpendaki babako, akona mpenda babako. Cela est faux. Ni mambo ya bongo. Éloignez-vous de ces choses-là. Mwende mbari na bile bitu. De toutes les cérémonies qui ne sont pas conformes à la Bible. Mamandamano yote ile aina mu Biblia. Toi tu ne crois pas au messe des morts. We awamini kule misa bafu. N'entrez pas dans les messes de mort. Apana kuingia mumisa abafu. Même si c'est ton beau-père qui meurt. Ataka mani mkwe wako anakufa wala mkwe wako anakufa babako. Faites ce que tu dois faire comme un croyant. Samu Kristo fanya ili na kulomba kufanya. Ton père, ton beau-père ou ta belle-mère ou ta maman. Kujika babako, mamako wala mkwe wako wala mkwe wako mwanamke. Kwela ngare imani. Ah, éloignez-vous de ces choses. We tokamo. Honorer la parole de Dieu. Eshimisha sauti ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Continuième question. Ulizo ya 31. Je veux avoir l'explication sur la pyramide. Mina penda kupata kumafasilio yulu ya pyramide. et l'éclaircissement sur le sixième âge de l'Église. Na munyangazie ko yule ya kizazi kya sita kya makanisa. Le frère ou la sœur Duku wala dada veut avoir quelques explications sur la pyramide. Anapenda kupokea kwa mafasilio kidogo kwa pyramide. Sur le sixième âge de l'Église. Na kupata kumwangaza yule ya kizazi ya sita ya kanisa. Je réponds à cette préoccupation. Donajibu kuiya ulizi angaiko. Premièrement, ya kwanza. Nous ne croyons pas à la doctrine de la pyramide. Mafundisho ya pyramide atuyaminiaki. Et nous n'avons pas de doctrine sur la pyramide. Na atuna na ile mafundisho la pyramide. Il est vrai que Frère Branham. Ni kweli ndugu Branham. A parlé de la pyramide. Arubira kayulu la pyramide, arisemezia la pyramide. C'était pour expliquer les étapes de la foi. Ilikuwa ni njia kufasilia tu matua ya imani. C'est-à-dire la statue de l'homme parfait. Nikusema kimo wa mtu mkamilifu. Et pour expliquer les étapes par où l'église est passée. Na kufasilia mabipande mule kanisa ilianza kupitia. Et Frère Branham disait, la pyramide typifie l'église. Pyramide, il n'en est kanisha, kanisa. Parce que en comparaison avec la pyramide, abu mukbeba na kulinganisha na pyramide, la sa base est large, misingi yake iko mulefu, mais son sommet est pointu. Mais lakini kumwisho kunakuwa kwa nchongo yulu kunakuwa nchongo. Et quand il parle de l'église, na kama anasema na kanisa, il dit à la base, au commencement de cette, de l'église des nations, il y avait beaucoup de lumière. Nuru ilikuwa munene kabisa. Mais vers la fin, vers le sommet, lakini kula kumwisho wala kumwisho yake, dans l'âge de la Odyssée, kizazi ya Laodikia, il y a peu de lumière. Kanuru kanaanza bakia kidogo kanakonda kabisa. Et quand il parlait de l'église, na wakati anza sema wa kanisa, il parlait souvent de la pierre de fête. Zaidi anasema juu ya ile pierre de fête. La pierre de fête qui typifie le Seigneur Jésus-Christ. Il est yena monikanisha Bwana Yesu. Qui devait venir pour coiffer l'église. Il est ipasha kuya juu ya kuweka kukala kuyulu ya kanisa. Il typifie aussi cette pierre de fête comme le Saint-Esprit. Na anasema tena ile dibu ya fête ilikuwa sa Rome takatifu. Qui doit venir coiffer l'individu, la statue de l'homme parfait, mais il ne faisait pas de cela une doctrine. Frère Branham a parlé des zodiacs. Il a parlé aussi de la pyramide elle-même. C'était pour parler de la première venue. Ilikuwa ni njoo asemeze kuja kwa kwanza. Et de la seconde venue de Jésus-Christ. Na kuja kwa pili kwa Bwana Yesu. Quand il parle de zodiac. Wakati asemeze yule maodiac. Il dit regardez le premier signe. Sema tazameni alama ya kwanza. C'est la Vierge. Ni mbikira. Mais regardez le dernier signe. Kari alama mwisho. C'est Léo le lion. Ni Simba. La Vierge. Bikira. Et annonce la première venue de Jésus. Unatangaza kuja wa kwanza kwa tandis Yesu. Que le lion annonce la seconde venue de Jésus-Christ. Japo Simba onesha kuja kwa pili kwa Yesu. C'est dans cet esprit-là que Frère Branham en parlait. Ni mwile namna njo ndugu Branham anza kusema. Mais Frère Branham n'a pas fait de doctrine de la pyramide. Lakini ndugu Branham ashikufanya ki mafundisho ya pyramide. Il parlait de la pyramide d'Égypte. Il a parlé de la pyramide d'Enoch. Arisema pyramide ya Enoch. Il a parlé de cette marche de la pyramide. Arisema ile matua saba. Dans toutes les choses là, dans toutes les choses qu'il parlait. Dans son esprit, muro yake. Il voulait seulement parler de cet âge de l'Église des Nations. Alipenda tu kusemezea maabizazi saba ya mataifa. Hata pana sema ma nyumba ya bafalme. Voyez, il parle de chambre de la sixième marche, de la septième marche. Chumba ya ile hatua ya saba na avant d'entrer dans la chambre du roi. Bila ya kuingia mchumba ya mfalme. Toutes ces choses-là. Bile biote bile. Il les faisait pour exprimer la marche de l'église. Aranza kubisema ni njia kuonekanisha tu mwenendo ya kanisa. Ah, ce que nous appelons le état de l'église. Ile tunaita sema bizazi saba ya kanisa. Nous n'avons pas de tableau. Atuna na tableau. Et je ne saurais pas vous dessiner cela. Na mistaweza kumfiatulia hiyo. Et quand Frère Branham parle de cette pyramide comme l'église. Na wakati ndugu Branham anasema pyramide sawa kanisa. Il parle de la Odyssée. Anasemelea il parle de la Genèse. Anasema mwanzo. Et à la Genèse, il met la base comme Éphèse, l'église d'Éphèse. Na ile mwanzo aneka sawa msingi kanisa ya Efeso. Donc l'église d'Éphèse. C'est pas kanisa ya Efeso. A eu messager Paul. Il quoi la mujumbe Paulo. Smyrne a eu messager Irénée. Smyrne a eu quoi la mujumbe Irénée. Pergame a eu messager Martin. Pergame a eu quoi la mujumbe Martin. Thyatire a eu messager Colomba. Thyatire a eu quoi la mujumbe Colomba. Sardes a eu comme messager Luther. Sardes a eu pata mujumbe comme Luther. Philadelphie a eu messager Wesley. Philadelphie a pata mujumbe Wesley. Et la Odyssée a le messager Élie. Na Laodikia ilikuwa na mujumbe ilikuwa ni Elia. William Marion Branham. Mwenye kwa William Marion Branham. Maintenant à la fin de cet état de l'Odyssée, kumwisho ya bizazi ya Laodikia, c'est Jésus-Christ homme qui vient coiffer l'église pour l'enlever. Ni Yesu Kristu mutu njoo anakuwa kuweka kanisa kuweka mwisho wa kanisa kinyanyulo. C'est lui qui va amener cette église à la perfection. Ni Yesu njoo atakaoweka hii kanisa kukamilifu. À partir de l'âge d'Éphèse. Kuanzia mkizazi cha Efeso. Jusqu'à l'âge de Laodicée. Kia pa mkizazi cha Laodikia. Tout le monde attendait le retour du Seigneur Jésus. Aba bantu boto wa mizazi baranza kuchunga pa kurudia kwa Yesu. Le retour de notre Seigneur Jésus Christ est le seul espoir de toute l'église. Kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo njo tumaini ya makanisa yote. Et quand lui viendra? Na pale atakuya. C'est lui qui va maintenant parachever. Na niye njo atamaliza. Il va rendre parfait. Na atafanya ikue kamilifu. Cette église qu'il avait commencé. I kanisa lianzaka. Depuis la Pentecôte. Kangia Pentecosta. Maintenant pour l'amener dans le ciel. Sajia kupeleka kumbingu. Maintenant quand Frère Branham le prend. Dans la statue de l'homme parfait. Wakati ndugu Branham anaibeba sasa mukimo wa mtu mkamilifu. Quand un homme est sauvé, anasema wakati mtu anaokolewa, il commence par la foi. Ananzia hapo na imani. C'est ça la base. Jo msingi. La foi, imani pointe la nouvelle naissance. Imani inaenda mkuzaliko mara ya pili. Mais après que un homme soit sauvé, na kisha mtu kokolewa, à la foi, ku imani, il doit ajouter la vertu. Anapaswa kuongeza kwa utawa. À la vertu, la connaissance. Utawa anaongeza kwa ufahamu. À la connaissance, la tempérance. Ufahamu anaongea mu tempérance, la patience. Kujizuiza anapita. À la patience, la piété. Muvumilivu anaongea kwa utawa. Et à la piété, l'amour fraternel. Na mutawa atengea mu mapendo ya kindugu. L'âge de la Odyssée. L'âge dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est un âge de l'amour fraternel. Nous devons être caractérisés par l'amour fraternel. Un véritable chrétien qui a expérimenté le salut véritable, il doit être caractérisé par l'amour fraternel. Quand l'homme est caractérisé par l'amour fraternel, c'est l'amour de Dieu qui est le Saint-Esprit, qui est la pierre de fête, qui vient maintenant coiffer cet individu, cet croyant, qui a fait une bonne expérience avec le Seigneur. L'Église est avec moi. Est-ce que l'église est avec vous? Eti kanisa muna fata. Quand Frère Branham parle. Wakati ndugu Branham. De la pyramide. Anasema yule la pyramide. Il n'enseigne pas de doctrine. Ashweka kepo mafundisho pale hapana. Donc il n'y a pas de doctrine sur la pyramide. Mambo ya pyramide hapana mafundisho. Même si vous lisez dans les citations. Hata mnasoma mafundisho ya ndugu Branham. Où il parle de la pyramide d'Égypte. Mbona anasema yule la pyramide ya Egypte. Pyramide ya Enoch. Où il parle de la pyramide. Pale pota sema yule la pyramide. Il parle de ses bases, de ses sommets. Asa misingi yake na chongo yake. Il voulait seulement représenter l'église du Seigneur. Alipenda tu kunifiatura kanisa ya Bwana. Sasa, ile ya kwanza. Et deuxième Deuxièmement, Nayapiri, il en parle Yonayisemezea, pour représenter la statue de l'homme parfait en Christ. Konesha, ki mwamutu mkamili fundani ya Christ. Le salut complet dans un homme. Okovu katika utele ndani ya mutu. Mais il n'y a pas de doctrine en tout cela. Lakini mwile yote amuna mafundisho ya msingi hapana. Il veut montrer seulement comment le Seigneur a marché. Penda konesha tu namna kani Bwana alitembea. Si vous prenez dans la statue de l'homme parfait. Kamna ba mahubiri ya ndugu Bwana mu il dit ceci au paragraphe 44. Si vous avez Chekina, c'est au paragraphe, disons, à la page 44, tradition suisse. Tradition Chekina, c'est le paragraphe 233. Alors maintenant, vous êtes en train d'y parvenir. Sasa, munaanza kufika. Parce qu'il y a sept choses. Habukubitu saba. Ce qui vient immédiatement après. Devina kuya kisha tu. L'amour fraternel. Devina kwa kisha ni mapendo ya kinduku. C'est la charité qui est l'amour. Ni mapendo. C'est la charité. Ajoutez cela, vous voyez. Mwengeze ile munaona. C'est la pierre de fête. Ile ni ribwe ya fête. Vous voyez. Munaona. Jori Bwe Yanchongo. L'amour dans la statue de l'homme parfait, Jori Bwe Yanchongo. Mapendo mutu kimo mutu mkamilifu Jori Bwe Yanchongo. C'est la pierre de fête. Ni ile ribo ya chongo. Maintenant s'il vous plaît. Sasa nemisi. Que l'on fasse connaître ceci par la bande enregistrée. Ba onesha hii kupitia le tepi banesha kubamba. Autant plus que je n'enseigne pas ceci comme étant une doctrine. Zaidi mishfundisha ibitu sawa mafundisho ya msingi. C'est ce que je vais dire maintenant. Jori mimi nataka kusema hapa sasa. Mais ce que je vais juste vous montrer. Mais ile mimi napenda tu kumionyesha. Avec l'aide de Dieu. Na msaada ya Mungu. C'est que la première Bible. Nusema Biblia ya kwanza. Que Dieu ait jamais écrite fut vraiment les zodiaques dans le ciel. Ile Mungu ashaandikaka ilikuwa ni mazodiaki mlo mambingu. Ah, c'est là commença par la Vierge. Et finit par le lion, le léon. Na itaisha kupitia na simba léo. Quand j'entrerai dans le sixième et dans le septième sceau, wakati mitaingia muri ya sita na saba, vous découvrirez que quand cet autre sceau fut ouvert, utavula kusema wakati ile muri ingine pasi kufunguliwa, la marque du zodiaque de cet endroit-là était le cancer. Chapa ya mazodiaki ya ile namna ilikuwa ni kansa. Vous voyez, unaona? C'est l'âge du cancer. Ni kizazi kia kansa. Que nous sommes en train de vivre en ce moment. Joki yetu kunaishi mumui wakati. L'âge de la Odyssée. Kizazi kia laodikia. Dans les zodiaques. Mule maodiak. Typifie l'âge du cancer. Inamaanisha kusema ni kizazi kia kansa. Là dans lequel nous vivons maintenant. Kizazi kile yetu kunaisha sasa. Ceci a été révélé. Hii funuliwa. Et la première chose ensuite. Na kitu kia pili kufata. Que le sceau de voile. Mamuri. Le sceau. Muri. Oui, de voile. Ya pazi. C'est le lion. Ya pazi ya ni simba. Léo. Soit la seconde venue de Christ. Wala kurudia kwa pili kwa Kristo. Il vient pour commencer par la Vierge. Enakuya ananzia pona bikira. Et il va terminer par le lion. Na atamaliza na simba. Vous voyez. Munaona. Vous voyez. Munaona. Je ferai de mon mieux. Mitajikaza kabisa. Pour montrer que ces marches. Djok mionesha sema. Ou ces degrés. Imatua. Sont indiqués de façon très précieuse dans la pyramide. Panéonekanisha muzuri muzuri kabisa mwile pyramide. Qui est la seconde Bible que Dieu a écrite. Yenye kuwa Biblia ya pili ile Mungu aliandika. Enoch les inscrit donc. Enoch aliandika basi. Et les mis dans la pyramide. Na akaiweka mwile pyramide. Vous voyez. Munaona. Vous voyez. Munaona. Donc, c'est dans cet esprit. Ni muile namna kona bitu. Et Frère Branham continue comment la pierre, quand Christ est venu pour la première fois, il a été rejeté. Wakati Kristo akoma na kwanza alikataliwa. Maintenant il vient la seconde fois pour coiffer cette église. Asera kuya mara mwisho jo kanchongo ku ile kanisa. Et il montre que le sommet. Na kunaonyesha kusema nchongo yayo. Typifie que l'église sera plus minoritaire. Yasema kanisa itakuwa kidogo kabisa. C'est pourquoi aujourd'hui dans cet état de Laodicée. Je commande leo mwikiza ke Laodikia. Il y a peu d'élus. Wateule wako kidogo kabisa. Il y aura seulement peu de gens. Batu kidogo kabisa. Qui seront enlevés. Jo wala tanyanyuliwa. Parce que la plupart. Saba mingi. De nos croyants même aujourd'hui. Katika ya waamini fetu hata leo. N'ont pas l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Abana na honjo wa batizo wa mtakatifu. Lakini ba mingi. Sont attachés seulement au tabernacle. Beko benye kuchambatanisha tu kuma maskani kuma makutano. Et Jésus ne vient pas coiffer les gens du tabernacle. Na Yesu Kristo akao kutia nchongo kukanisa kwa tabernacle. Ceux qui ont déjà atteint la statue de l'homme parfait. Et on akao kutia nchongo kubale basha kufika mkima mtu mkamilifu ndani ya Kristo. Il ne vient pas chercher les bâtiments du tabernacle. Asiko tafuta mabimbashi ya tabernacle. Il vient enlever. Lakini anakuja. Les individus. Jo kunyanyura batu binafsi. Ils sont dans le tabernacle. Bale yiko mu la parole de vérité. La vérité a été prêchée et l'ont cru, ils l'ont expérimenté jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Voilà les hommes et les femmes que Jésus-Christ, homme, viendra enlever pour les amener dans les noces. Vous voyez, il y a beaucoup d'écritures que nous pouvons lire à ce sujet. Prenez 2 Pierre. Petrois Pierre. Chapitre 1, verset 1 à 8. Allez lire cela. Maintenant, dans la question du frère ou de la sœur, il veut savoir. Il veut avoir la lumière sur le sixième sceau. Sur le sixième âge de l'Église. Quand nous prenons le sixième âge de l'Église, disons cela. Le sixième âge de l'Église. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 7. Allez jusqu'au verset 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Et voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Celui qui ouvre. Et personne ne fermera. Celui qui ferme. Et personne n'ouvrira. Na kuna muta na zufungula. Je connais tes heures. Na jua matendo yako. Et na. Voici. Tazama. Voici. Tazama. Parce que tu as peu de puissance. Kavile kuna uwezo kidoko. Et que tu as gardé ma parole. Na ulichunga neno langu. Et que tu n'as pas renié mon nom. Na kukane jina langu. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Mbele yako mna kama mlango wa wazi. Que personne ne peut fermer. Na kuna mtu la dawezi funga. Voici je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. Tazama nakupatia wa moja katikati ya synagogue ya Satan. Qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Wenye kujiita wa Yuda lakini wana Yuda. Mais. Lakini. Qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem. Qui descend du ciel. Auprès de mon Dieu. Et de mon nom nouveau. jina langu que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mwenye kwa na mashikio ashikie ile hoi kunasema na makanisa. Si comme le frère ou la sœur avendoku wala dada veut un éclaircissement sur le sixième sou. Anapenda kupata kwa mwangaza wala kumangazia kwa yule muri ya sita. Je vais vous demander d'aller dans notre télégramme. Duku wala dada mina kuomba uende mu télégramme et d'aller écouter l'enseignement sur l'âge de Philadelphie. Wende ukashikie mafundisho yule ya kizazi kia Philadelphie. Vous allez là on a parlé d'abord d'une manière historique. Pale tulisemezeaka munamna ya sa hadisi. Nous avons parlé de cette ville de Philadelphie. Tulisemezeaka yule ya ile muji ya Philadelphia. Nous avons parlé tulisemezea de l'âge de Philadelphie, donc de la ville de Philadelphie. Muja Philadelphie. Nous avons parlé du prophète, mais, disons du messager de cet âge de Philadelphie. Tulisemezea mujumbe mwenye kwa wasile wa kile kizazi. Nous avons parlé de beaucoup de choses là-dessus. Na tulisemaka bitu ya mingi yule aile. Je pense si vous l'écoutez, vous serez édifié. Nazania mutajenga kama mnarudia kushikia ile mahubiri. Mais pour une réponse brève. Lakini kama nataka ujibu wa kifupi. À votre question. Ya kuulizo yako. Il y a trois choses que vous devez retenir ici. Hapa mna vitu tatu unapaswa kushika. Dans l'âge de Philadelphie, comme dans le reste des âges. Mukiza ya Philadelphia, pamoja na bizazi vingine. Premièrement, il y a des reproches qui sont faites à l'âge. La kwanza wanakemea kizazi. Deuxièmement, il y a l'exhortation qui est donnée à l'âge. Ya au pili, de l'âge. Banaleta bahonyo wala kukankamisha wateulo wa kizazi. Et troisièmement, il y a la récompense ou la promesse au vainqueur. Ya tatu kukumalipo wala malako kuwashindaji. C'est ainsi que tous les âges se résument. Jovile bizazi biote sema mukifupi. Est-ce que l'église est avec moi? Kanisa tu pamoja. Dans chaque âge, mukila kizazi, le Saint-Esprit reproche d'abord le comportement de cet âge-là. Rome takatifu na kemea kwanza mifano wala tabia ya kile kizazi. Son mauvais côté. Wa ngambo yabo mubaya. Maintenant, sasa, après avoir fait des reproches à l'âge, kisha kubafaya makemeo kukizazi, il exhorte maintenant les élus de cet âge-là. Mungu wako naonya sasa wateula mwile kizazi. Après avoir exhorté les élus de l'âge, kisha ye kuonya wateula mkizazi, il donne maintenant les récompenses. Anapacha sa malipo. Au vainqueur. Washindaji. Ainsi, pour éclairer cet âge de Philadelphie, iba sijua kuangazia kizazi la Philadelphia, vous qui notez, mwemu naandika, sur les reproches faites à cet âge de Philadelphie, yuli ya makemeo le wakemea kizazi ya Philadelphie, le Saint-Esprit, Rome takatifu, n'a pas fait de reproches à cet âge de Philadelphie. Akufanya makemeo ku kizazi la Laodikia ya Philadelphie. C'est l'unique âge qui n'a pas reçu de reproches de la part du Seigneur. Vous voyez, regardez quand nous l'avons lu. Vous voyez, il n'y a pas de reproches. Mais quand on parle de l'exhortation, adressé à cet âge de Philadelphie, Dieu dit ceci. 1. J'ai mis devant toi une porte ouverte. C'est déjà expliqué là. Dans cet enseignement sur celui-là de Philadelphie. Je te donne ceux de la synagogue de Satan, et je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde. C'est-à-dire tous ces mouvements charismatiques et communiques qui ont commencé dans cet âge-là. Le véritable croyant de là de Philadelphie n'ont pas fléchi devant ces mouvements. C'était des mouvements suscités par Satan pour embrouiller les élus. Il quoi ni mamandamano shetani ya lamusha jua kufurusha wateule. Et Dieu dit, na Mungu alisema, je viens bientôt. Nakuya hapa sasa. Vous voyez, munaona, Voyez l'âge de Philadelphie. C'est un âge missionnaire. Ni kizazi kia wa missionnaire, bato kupeleka habari njema. Ni kizazi. C'est l'âge. Mule milango ya kwenda kubira habari njema mudunia yote mujima ilifununiwa. C'est l'âge dans lequel toutes les portes de prêcher la bonne nouvelle se sont ouvertes. C'est pourquoi Dieu exhorte les élus. Jokoma na Mungu anaonya wateule. En leur disant. Kuambia. Ne, n'oubliez pas, je viens bientôt. Usisabu, nakuya pa sasa. Ce que tu as là. Kilo kuna kio pale. Même si c'est peu. Atakama ni tuloko. Retenele. Bambato. Parce que les, ce que tu as reçu là. Aba kutulo pokea. Tu conduira à la perfection. Jote mipeleka kukamilifu. Tu conduira à la couronne. Jote mipeleka kutaji. Voyez bien mes frères. Unaona wapendwa. Wesley ne connaissait pas beaucoup de choses. Wesley akujua vitu ya mingi. Mais namu il a embrassé la sanctification. Mais lakini ashika utakaso. Kwa yeye aimé la sanctification. Wabuyefu alipenda kutakaso. Le caractère de cet âge. Ils ont aimé le Seigneur. Ils sont allés dans le monde entier. Répandre l'évangile. Voyez. Ils ont fait un grand travail. Et Dieu les loue pour ça. Mais pour ce qui est de la récompense. Qui est donné au vainqueur. Dieu les exhorte. Hein? Restez attachés à la Bible. Mubaki benye komata na Biblia. À Christ. Kwa Kristu. À son nom. Jina lake. Et à son œuvre. Na ta kazi yake. Vous voyez. Mnaona. C'est pour vous voyez, j'écrirai mon nom. Mama mase mitandika jina yangu. Ce que tu as. Kenyo konacho. Ce que retiens ce que tu as. Bamba kilo konacho. Afin que personne ne prenne ta couronne. Kusudi mtu atabashibe taji yako. Vous voyez. Ils ont gardé la parole. Ils sont restés attachés à la Bible. Ils sont restés attachés à Christ. Ils sont restés attachés à son nom. Et ils sont restés attachés à son œuvre. C'est pourquoi. Ils ont trouvé aussi une porte ouverte qui est la révélation de Jésus-Christ, la divinité de Jésus-Christ et le véritable baptême au nom du Seigneur. C'est dans cet âge-là qu'on a commencé à baptiser les gens au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu les a promis qu'ils entreraient dans le baptême. Dans le, disons là le corps de Christ. Et Dieu les a loués. Parce qu'ils sont restés loin de toutes les dénominations. De telle manière que même la synagogue de Satan n'a rien fait. Ne les a rien fait. Même l'église de Satan a reconnu que les élus de Philadelphie étaient de véritables croyants. Ils n'ont pas fléchi. Et Dieu a fait en sorte qu'ils échappent à tous ces mouvements de séduction. Ils ont échappé au mouvement charismatique et communique. Et Dieu était content. C'est pourquoi Dieu les a promis qu'ils seront la colonne dans le temple de Dieu. Sur eux son nom et le nom de la nouvelle Jérusalem. Il écrira sur lui son nouveau nom. Ils ont beaucoup œuvré. Et Dieu aussi a pris soin d'eux. Vous voyez. C'est tout ce que vous pouvez comprendre. Allez écouter l'enseignement sur l'âge de Philadelphie. 33. Selon Daniel 9:27. Selon Daniel 9:27. Prenons Daniel 7. Daniel 9. Daniel 9. Daniel, verset 27. Quand le temps viendra de parler sur l'Apocalypse, on va vous en parler avec beaucoup de détails. Wakati ikifika kumsemezea hiyo Apokalipsi ndio tumsemea ufunuo tumsemezea huko katika upana. Daniel chapitre 9. Daniel histoire 9 verset 27. Musa yake 27. Il fera une solide alliance. Atafanya agano ya nguvu kabisa avec plusieurs pour une semaine. Pamoja na mingi njoo ya juma mwe. Et au milieu de la semaine, na katikati ya ile juma, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Atakataza sadaka na matoleo. Et le dévastateur na ule mwaribifu commettra les choses les plus abominables. Atafanya vitu ya makufuru kabisa. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui était résolu fondent sur les dévastateurs. Kufika na pale mwaribifu na bile biote waliweka bipati kuangukia yule ule mwaribifu. Et pour bien comprendre ces choses, najua kuelewa mzuri bitu, je vous recommande encore d'aller écouter les 70 semaines de Daniel. Nimeomba tena muende mkafate mahubiri yule majuma 7 ya Daniel. Vous avez sur votre telegram. Nimafundisha nyetu kunao pa telegram. Et là vous aurez beaucoup d'explications. Na pale mutapata mafasilio mingi kabisa. Maintenant nous allons vous répondre brièvement. Lakini kwa ufupi tunaanza kujibu. Selon Daniel 9:27. Fatana na Daniel 9 mstari wa 27. Avec des traditions différentes. Na kutafsiri kwa kuachana. Comme Darby. Sa Darby. Je voulais savoir. Sema mipenda kujua. C'est l'Antéchrist qui fera une solide alliance. Ni ule mpinga Kristo jo atafanya agano ya nguvu. Ou bien selon la tradition Darby. Voilà, ni kufatana kutafsiri kwa Darby. Il trouvera cette alliance pour la confirmer. Atakuta hii agano njue apate kuhakikisha. Ou bien, voilà, c'est ce que nous voyons aujourd'hui qui se passe dans le monde. Ni ile tu kunaona leo napitikana mudunia. Entre Israël, les États-Unis, l'ONU et les Arabes, ainsi de suite. Katikati ya Israël, États-Unis, ONU na ingine ifatayo. Avec les accords d'Abraham. Na ile makori ya Ibrahim ou mapatano. Je voulais savoir, l'Antichrist fera avec cette nation d'Israël une alliance. Nipenda kujua eti ule mpinga Kristo atafanya agano na Israeli. Il confirmera cette alliance que ces nations feront. Wala atakuwa tu ni kuhakikisha hii agano mataifa inaisha kufanya. Ici nous sommes dans la parole prophétique. Hapa tu mahubiri ya unabii. Frère veut savoir. Donc on appelle Nakujua. Si c'est l'Antéchrist, c'est ça la préoccupation profonde du. Jo angai kwenye au pana ndukwa la dada. C'est l'Antéchrist qui fera l'alliance avec Israël. Eti ni ule Antéchrist jo atena kunga ile agano na Israël. Où c'est Israël? Voilà ni Israël. Où c'est Israël avec les autres nations qui feront l'alliance? Voilà ni Israël na mataifa yenyewe ndio batafanya agano. Et l'Antéchrist viendra confirmer cette alliance. Na mpinga Kristo yeye anakuwa tu kuweka atikisho pa ile agano. Et cette alliance là dont on parle. Na ile nya agano tunasema. Le frère ou la sœur continue. Duko la dada. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Anauliza eti aina jobe tunaona. Avec les accords d'Abraham. Na hii mapatano ya Ibrahim. Entre Israël. Katika ta Israeli. Et les pays arabes. Na hii maichi ya Kiarabu ya Waislamu. Je réponds à cette préoccupation. Minajibu kuyangaiko. Premièrement. Ya kwanza. L'alliance de Daniel 9:27. Agano ya mu Daniel 9 makumi mustari ya makumi mbili na saba. Aura lieu. Itafandika. Après l'enlèvement de l'épouse des nations. Kisha kunyanyuliwa kwa bibi harusi wa kimataifa. Deuxièmement. Na ya pili. Cette alliance. Iagano. De Daniel 9:7. Ya mu Daniel 9:7. 9 makumi mbili na saba msari yake. C'est l'Antichrist. Ni mupinga Kristu. Qui fera cette alliance. Jo atatunga ile agano. Avec beaucoup de nations. Ah, ile agano wa mataifa mingi. Y compris Israël. Na Israël itakuwa mundani. Et l'Antichrist. Na mupinga Kristu. Sera la pierre, la pièce maîtresse. Yenjo atakuwa pa katikati. Ah, de cette alliance. Ya ile mungano. C'est ce qui arrivera même à un moment de tromper Israël. Jo itafika mwakati moya imupeilengambisha ta Israël. comportement, le comportement de l'Antichrist, mifano wala tabia ya mpiga Kristo, va embrouiller même Israël à un moment. Il t'a fait que Israël a pas tata mouvuru kashinde kuelewa namna moyo. Israël le considéra comme le Messie. Na munamna moyo Israël atanza kumuona mpiga Kristo anakuwa sa Messia. Voyez toutes les guerres qui se font en Israël. Munaye mavita yote yapitikana mu Israël. Wala kumwaye onoria kwa asubuhi. Israël est déjà fatigué. Israël alisha choka. Il a besoin d'un libérateur, il a besoin de la paix. Et qu'on a étagé ça, ça salama, étagé mutu wa kumbwa mu ma vita. Mais il n'en fait rien. Parce que toutes les prophéties doivent s'accomplir. Il n'a pas ce qu'on fait qu'à parler mukutimilika. On peut lui faire la guerre. Parce que commandé à Israël. Mais aucun pays ne vaincra Israël. Lakini hakuna inchi ya mataifa hata moja inaweza kwenda kumuina Israël wala kumshinda. Israël ne disparaîtra pas. Na Israël aywas kupotea. Aujourd'hui, Léo, même si les Iraniens, ataba Iraniens, jetaient la bombe atomique, banatuma bombe atomique, en Israël, Israël, cette bombe atomique là ne fera rien. Il est bombe à être fatiguée du Israël. Elle va tomber dans les mains de Dieu. Il t'a quitté mon amour. Il va anéantir. Il est à Paul là Israël. À être quoi ma toque en groupe à Israël. Parce que Dieu a planté Israël. Là, Mungu jo ariwe kapa le Israël. Dans son territoire. Où les jimbo yake. Où qu'il ne soit plus jamais déraciné. Kusudi basi mtoshake motera Israël pali. Israël ne sera plus dispersé dans le monde entier. Israël a été sambarika katera mudunia mujima. Et croyez-moi. Na muamini. Et c'est selon la Bible. Na kufata Biblia. Israël continuera à grignoter des territoires. Israël atendera tena kuvinya tu majimbo tungine tungine. C'est vrai. C'est l'Antichrist qui fera cette alliance avec plusieurs nations, y compris Israël. Et l'Antichrist sera la pièce maîtresse de cette alliance. Troisièmement, les accords d'Abraham consistent seulement à reconnaître tous les enfants qu'Abraham a eu dans la chair avec plusieurs femmes. Bale Ibrahim arizala na babiba kwa chana. Mais lakini l'accord ile mapatano de Daniel 9:7 ya Daniel 9 est lié à la ville de Jérusalem. Inambatana na muja Israel ya Salema. Et dans cet accord là, na mwile mapatano qui sera signé, il est itabatatu ya kasaini le Vatican, katikati ya Vatican catholique, kanisa kikatolika et Israël, kana Israël ainsi que les Arabes, na pamoja na Waarabu. Ça va se passer, il est itapitikanaka quand Jésus-Christ viendra de l'autre côté. Wakati Yesu Kristo atakao ile ngambo. Après le départ de l'épouse. Kisha kwenda kwa bibi harusi. C'est un accord qui va se faire. Ni mapatano itafanyika. L'accord. Mapatano. Ou l'alliance. Wala agano. De Daniel 9:7. Ya Danieli 9:7. Est lié à la statue de la ville de Jérusalem. Na mapatano ku statue ile ya muja Jerusalem. Entre l'Église catholique, le Vatican, entre Israël, na Israël et les pays arabes, les pays musulmans. Vous voyez, non. C'est après cet accord qu'on va autoriser à Israël de construire le temple. Bien qu'aujourd'hui, tout le matériel de la construction du temple de Jérusalem sont déjà prêts. Les ustensiles sont déjà là. Tout est déjà là. Même l'or pour les chandeliers, tout est déjà là. Donc Israël n'attend que cet accord. Et à cette époque-là, il y aura la paix. Un semblant de paix qui permettra à Israël de reconstruire le temple et de commencer son adoration comme dans l'ancien temps. C'est pourquoi vous voyez dans l'écriture que nous avons lu, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, pendant ces temps. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Kutoa sadaka na masa. Cela, il va empêcher Israël d'aller offrir les sacrifices et les offrandes dans le temple. Il va briser cela. Et Frère Franck l'explique très bien. Dans son livre Apocalypse, dans son paragraphe, commencé au paragraphe, donc à la page 159, Jacques 159 jusqu'à 161. Frère, et sur l'une des questions qui me fut posée dans les années antérieures, je l'avais bien expliqué. Allez suivre aussi cette question-là qui traite de Daniel 7, de Daniel 9. Verset 27. Donc, comme on n'a pas le temps de tout lire ici, notez cela. Si vous avez ce livre, allez lire cela. À partir du paragraphe 100, de la page 159, jusqu'au paragraphe 161. Fica para o parágrafo 161. Vou valer mesmo para o parágrafo 162. Mas ainda está 162. E Frère Banam en explique aussi dans les 70 semaines de Daniel. Nandu Banam en facilia majuma sabaya Daniel. Donc pour résumer cette pensée. C'est mon Dieu, c'est mon corps fou. Les accords d'Abraham. Il est ma patano à Ibrahim. Ne sont pas l'alliance de Daniel 9, 27. Aina, il est agano, ya Daniel tisa, makumi bien na saba, pana. Tout ce que vous voyez dans le monde ici, ibiote bona ona mudunia, des négociations, mapatano, des traités de paix, ma traité entre Israël, les États-Unis, ONU arabe, Israël, États-Unis, ONU arabe, ne concerne pas cette alliance Daniel 9, 7. Aina mui agano ya Daniel tisa makumbi na saba. Donc cette alliance sera conclue après notre enlèvement. Nous ne serons pas sur la terre. Yagano batetia saini pale bateula batako padunia. Mais tout ce mouvement que vous voyez, lakini imatengenezo temuna ona, prépare en quelque sorte de loin. Cet accord là, il est ma patano. C'est pour nous dire, dire toi et moi, que fais très attention. Bientôt l'évangile va retourner à Israël. Et sois prêt pour l'enlèvement. Donc, c'est l'Antichrist qui fera cette alliance, pas seulement avec Israël, mais avec plusieurs. Et c'est lui-même aussi qui va encore briser cette alliance pour maintenant s'attaquer à Israël. Que Dieu vous bénisse. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Nani ashielewe ula shiki. Qui n'a pas compris? Nani ula shishiki muzuri. Merci. Que Dieu vous bénisse. On s'arrête ici. Asante Mungu ambariki tuashimamia hapa. On va continuer demain. Tuendelea kesho. Quand nous commençons à parler de la parole prophétique, wakati tunaanza semezea yule maneno ya unabii, il faut être attentif. Inafaa unakuwa msikilivu kabisa. Je suivais les questions-réponses antérieures. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà enseignées dans cette église ici. Ni moi benyewe amupendake kushikia mahubiri tunaisha kumwekea pa ma Telegram. C'est vous-même, vous ne pouvez pas réauditionner les prédications qu'on a déjà mis sur Telegram. Tunaisha kumhubiri bintu bya mingi sana. Nous avons déjà prêché beaucoup de choses. Que ça soit sur les 70 semaines de Daniel, Majuma Saba ya Daniel, que ça soit sur l'Apocalypse, oui, il y a ma funcho, il y a funuo, que ça soit sur l'arbre, la restitution de l'arbre de l'épouse, nous vous avons déjà enseigné beaucoup de choses. Il y a eu encore plusieurs questions qui ont déjà été posées. Mukuye na Zoezi ya kwenda kushikia ile ma question. Et il y a l'habitude d'aller réauditionner les questions. Parce que, en quelque sorte, chaque question, c'est presque un enseignement. Vous voyez. Aujourd'hui, depuis hier, la nuit jusqu'à matin ici, je suivais une question qui m'avait été posée sur les sept tonnerres. Et cette réponse-là m'avait pris presque deux jours, un dimanche et un mardi pour l'achever. Mais quand vous lisez cela, il y a beaucoup de détails. Vous voyez. Il faut avoir ses habitudes, de réécouter les enseignements que nous vous donnons. Ça fait partie de la méditation de la parole. Pour les nouveaux venus, les nouveaux croyants, il y a des enseignements qui ont été donnés dans les années 2021, 2022, 2023. On n'a pas encore eu le temps de retourner dans ses enseignements. Mais si vous êtes attaché à la parole de Dieu, vous aimez beaucoup la parole, de temps en temps, allez consulter notre télégramme, regardez les prédications qui ont été données, regardez les enseignements, les questions-réponses. C'est comme nous faisons chaque question à une pensée qu'on a exploitée. Tu peux regarder quelle est la question, quel est votre problème. Vérifiez dans les questions. N'y a-t-il pas une question de ce genre qui fut déjà posée? Vous pouvez réécouter, ça va vous édifier. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Karibu pasteur. Ça va? Mungu anisaidie amishukunye mai. Tutasimama.